L'année 1969 s'achève. Une année au terme de laquelle nous pouvons mesurer l'étendue du chemin parcouru, les écueils rencontrés, nos joies et nos peines. Bref, encore une année qui nous permet de comptabiliser nos efforts et surtout nos échecs. Dans cette même année, les plus dangereux adversaires avaient un instant caressé l'espoir que le Conseil national de la Révolution serait favorable à une conférence de cadres qui regrouperait un agglomérat de renégats pour tenter de poser le fondement d'une unité nationale basée sur des facteurs prédominants pro-colonialistes, le tribalisme, le régionalisme et le sectarisme. Cet espoir, très nourri ces derniers temps dans les milieux réactionnaires, fut vite déçu. Mieux, après une éclatante victoire sur l'impérialisme et les traites à la nation, notre jeune et dynamique peuple a osé poser ce jour l'acte le plus audacieux de l'histoire de notre révolution. Le Parti congolais du travail, le peuple congolais, vient de raviver les flammes des journées des Trois Glorieuses. Aujourd'hui et demain, nous ne chanterons plus faux l'international. Aujourd'hui, 31 décembre 1969, le Congo-Brazzaville rentre dans le palmarès de la grande révolution prolétarienne mondiale. À Cotonou, le président Mathieu Kérékou, dans une seule et même intervention, crée à la fois le Bénin et le Parti de la Révolution populaire du Bénin, le PRPB.